susadu seputus sa oh zombie caché la vinou seputus sadu tu m'as douce tu m'as tendresse quand ces étoiles filantes passer la moi pour venir éclairer tout ça moi c'est mon dieu. Lè ou avoué, l'amour tenu pou mwen. Ou fini pleré, parole ou rapporté. Mwen te kamande ou, jembe sakite pou nou. Pou nou te serré, pijou tout lave nou. Sakife ou mande, sa yo men pa pepe sa. Fini pa kase. Mais t'as un collier l'amour. Si vous voulez, ça peut jamais. Si vous voulez, ça peut souder. Pas jamais mélanger. Problème avec famille. Si vous voulez, ça peut jamais. Si vous voulez, ça peut tirer. Pas jamais mélanger. Problème avec famille. Yo pa wè, pa ni san sa nan fonche yo. Si mwen te pou chapè, deja ferme mwen. Oubliye douce, oubliye intimite. Ferme mwen dekouvè, sa nou te kaspe. Si nou y fè la vi, ou swif sa ki nan che yo. Pa koute le zot, yo pa toujou mwen men. C'est pas ça, you deal, qui toujours vérité. Gardez en fond, c'est la chimère, yeah.